vu qu'on a entendu les nouvelles entrées. Ça veut dire qu'il faut dire au revoir à quatre autres pièces qui nous ont quittés sauvagement. Voici Palmer, Rest in Peace. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Elle illumine lorsqu'elle brille. Tu sens qu'une pièce de ma maison la seule lumière. Les pièces qui ont quitté les palmarès, c'est fou depuis l'édition du 8 au 14 septembre 2014. On se débarrasse un petit peu des dernières choses de l'été, là. Tu sais, celles qui ont duré quand même un bout de temps pendant le mois d'août, peut-être même jusqu'en juillet. Donc, pour commencer, Nicolet avec Centre qui a duré 7 palmarès. Ensuite, Cousins et Other Ocean qui a duré 3 semaines, genre. C'est très faible comme pièce, mettons que ça n'a pas marqué. Ensuite, Sleeper Agent, je vais m'en ennuyer, je l'adorais. Waves, 4 semaines. Et finalement, Tokyo Police Club, la géniale Hot Tonight, 5 semaines. Voilà pour 4 pièces qui malheureusement nous quitte cette semaine, mais évidemment pour faire la place à trois autres nouvelles entrées qu'on a entendues juste avant. Vous étiez, j'espère, là.